Madame Bovary, deuxième partie, chapitre 15. La foule stationnait contre le mur, parquée symétriquement entre des balustrades. À l'angle des rues voisines, de gigantesques affiches répétaient en caractère baroque « Lucie de la mer mort, Lagardy, Opéra, etc. » Il faisait beau, on avait chaud, la sueur coulait dans les frisures, tous les mouchoirs tirés épongeaient les fronts rouges, et parfois un vent tiède qui soufflait de la rivière agitait mollement la bordure des tentes en coutil suspendues à la porte des estaminets. Un peu plus bas, cependant, on était rafraîchi par un courant d'air glacial qui sentait le suif, le cuir et l'huile. C'était l'exhalaison de la rue des Charrettes, pleine de grands magasins noirs où l'on roule des barriques. De peur de paraître ridicule, Emma voulut, avant d'entrer, faire un tour de promenade sur le port, et Bovary, par prudence, garda les billets à sa main dans la poche de son pantalon qu'il appuyait contre son ventre. Un battement de cœur la prit dès le vestibule. Elle sourit involontairement de vanité en voyant la foule qui se précipitait à droite par l'autre corridor tandis qu'elle montait l'escalier des premières. Elle eut plaisir, comme un enfant, à pousser de son doigt les larges portes tapissées. Elle aspira de toute sa poitrine l'odeur poussiéreuse des couloirs et quand elle fut assise dans sa loge, elle se cambra la taille avec une désinvolture de duchesse. La salle commençait à se remplir, on tirait les lorgnettes de leurs étuis et les abonnés, s'apercevant de loin, se faisaient des salutations. Ils venaient se délasser dans les beaux-arts des inquiétudes de la vente. Mais n'oubliant point les affaires, ils causaient encore coton, 3-6 ou indigo. On voyait là des têtes de vieux, inexpressives et pacifiques, et qui, blanchâtres de chevelure et de teint, ressemblaient à des médailles d'argent ternies par une vapeur de plomb. Les jeunes beaux se pavanaient au parquet, étalant dans l'ouverture de leurs gilets leurs cravates roses ou vert pomme. Et Madame Bovary les admirait d'en haut, appuyant sur des badines à pommes d'or la paume tendue de leurs gants jaunes. Cependant, les bougies de l'orchestre s'allumèrent. Le lustre descendit du plafond, versant avec le rayonnement de ses facettes une gaieté subite dans la salle. Puis les musiciens entrèrent les uns après les autres et ce fut d'abord un long charivari de basses ronflant, de violons grinçants, de pistons trompettants, de flûtes et de flageolets qui piaulaient. Et on entendit trois coups sur la scène, un roulement de timbales commença, les instruments de cuivre plaquèrent des accords et le rideau se levant découvrit un paysage. C'était le carrefour d'un bois avec une fontaine à gauche, ombragée par un chêne. Des paysans et des seigneurs, le plaid sur l'épaule, chantaient tous ensemble une chanson de chasse. Puis il survint un capitaine qui invoquait l'ange du mal en levant au ciel ses deux bras. Un autre parut, ils s'en allèrent et les chasseurs reprirent. Elle se retrouvait dans les lectures de sa jeunesse en plein Walter Scott. Il lui semblait entendre à travers le brouillard le son des cornemuses écossaises se répéter sur les bruyères. D'ailleurs, le souvenir du roman, facilitant l'intelligence du libretto, elle suivait l'intrigue phrase à phrase, tandis que d'insaisissables pensées qui lui revenaient se dispersaient aussitôt sous les rafales de la musique. Elle se laissait aller au bercement des mélodies et se sentait elle-même vibrer de tout son être, comme si les archets des violons se fussent promenés sur ses nerfs. Elle n'avait pas assez d'yeux pour contempler les costumes, les décors, les personnages, les arbres peints qui tremblaient quand on marchait, et les toques de velours, les manteaux, les épées, toutes ces imaginations qui s'agitaient dans l'harmonie comme dans l'atmosphère d'un autre monde. Mais une jeune femme s'avança en jetant une bourse à un écuyer vert. Elle resta seule et alors on entendit une flûte qui faisait comme un murmure de fontaine ou comme des gazouillements d'oiseaux. Lucie entama d'un air brave sa cavatine en sol majeur. Elle se plaignait d'amour, elle demandait des ailes. Emma, de même, aurait voulu, fuyant la vie, s'envoler dans une étreinte. Tout d'un coup, Edgar Lagardy parut. Il avait une de ces pâleurs splendides qui donnent quelque chose de la majesté des marbres aux races ardentes du midi. Sa taille vigoureuse était prise dans un pourpoint de couleur brune. Un petit poignard ciselé lui battait sur la cuisse gauche et il roulait des regards langoureusement en découvrant ses dents blanches. On disait qu'une princesse polonaise, l'écoutant un soir chanter sur la plage de Biarritz, où il radoubait des chaloupes, en était devenue amoureuse. Elle s'était ruinée à cause de lui. Il l'avait plantée là pour d'autres femmes, et cette célébrité sentimentale ne laissait pas que de servir à sa réputation artistique. Le cabotin diplomate avait même soin de faire toujours glisser dans les réclames une phrase poétique sur la fascination de sa personne et la sensibilité de son âme. Un bel organe, un imperturbable aplomb, plus de tempérament que d'intelligence, et plus d'emphase que de lyrisme, achevait de rehausser cette admirable nature de charlatan où il y avait du coiffeur et du toréador. Dès la première scène, il enthousiasma. Il pressait Lucie dans ses bras, il la quittait, il revenait, il semblait désespéré. Il avait des éclats de colère, puis des râles élégiaques d'une douceur infinie, et les notes s'échappaient de son cou nu, pleines de sanglots et de baisers. Emma se penchait pour le voir, égratignant avec ses ongles velours de sa loge. Elle s'emplissait le cœur de ses lamentations mélodieuses qui se traînaient à l'accompagnement des contrebasses, comme des cris de naufragés dans le tumulte d'une tempête. Elle reconnaissait tous les enivrements et les angoisses dont elle avait manqué mourir. La voix de la chanteuse ne lui semblait être que le retentissement de sa conscience et cette illusion qui la charmait, quelque chose même de sa vie. Mais personne sur la terre ne l'avait aimé d'un pareil amour. Il ne pleurait pas comme Edgar le dernier soir au clair de lune lorsqu'il se disait « à demain ». La salle craquait sous les bravos. On recommença la strette entière. Les amoureux parlaient des fleurs de leur tombe, de serments, d'exil, de fatalité, d'espérance. Et quand ils poussèrent l'adieu final, Emma jeta un cri aigu qui se confondit avec la vibration des derniers accords. « Pourquoi donc ?» demanda Bovary. « Ce seigneur est-il à la persécuter ?»« Mais non, » répondit-elle, « c'est son amant. Pourtant il jure de se venger sur sa famille, tandis que l'autre, celui qui est venu tout à l'heure, disait « J'aime Lucie et je m'en crois aimée. » D'ailleurs, il est parti avec son père, bras dessous, car c'est bien son père, n'est-ce pas, le petit lait qui porte une plume de coq à son chapeau. Malgré les explications d'Emma, dès le duo récitatif où Gilbert expose à son maître Ashton ses abominables manœuvres, Charles, en voyant le faux anneau de fiançailles qui doit abuser Lucie, crut que c'était un souvenir d'amour envoyé par Edgar. Il avouait du reste ne pas comprendre l'histoire, à cause de la musique, qui nuisait beaucoup aux paroles. Qu'importe, dit Emma, tais-toi. C'est que j'aime, reprit-il en se penchant sur son épaule, à me rendre compte, tu sais bien. Tais-toi, tais-toi, fit-elle impatientée. Lucie s'avançait à demi soutenue par ses femmes, une couronne d'oranger dans les cheveux et plus pâle que le satin blanc de sa robe. Emma rêvait au jour de son mariage. Et elle se revoyait là-bas au milieu des blés, sur le petit sentier quand on marchait vers l'église. Pourquoi donc n'avait-elle pas, comme celle-là, résisté, supplié ? Elle était joyeuse au contraire, sans s'apercevoir de l'abîme où elle se précipitait. Ah, si dans la fraîcheur de sa beauté, avant les souillures du mariage et la désillusion de l'adultère, elle avait pu placer sa vie sur quelque grand cœur solide. Alors la vertu, la tendresse, les voluptés et le devoir se confondant, jamais elle ne serait descendue d'une félicité si haute. Mais ce bonheur-là, sans doute, était un mensonge, imaginé pour le désespoir de tout désir. Elle connaissait à présent la petitesse des passions que l'art exagérait. S'efforçant donc d'en détourner sa pensée, Emma voulait ne plus voir dans cette reproduction de ses douleurs qu'une fantaisie plastique, bonne à amuser les yeux, et même elle souriait intérieurement d'une pitié dédaigneuse, quand au fond du théâtre, sous la portière de velours, un homme apparut en manteau noir. Son grand chapeau à l'espagnol tomba dans un geste qu'il fit, et aussitôt les instruments et les chanteurs entonnèrent le sextuor. Edgar, étincelant de furie, dominait tous les autres de sa voix plus claire. Ashton lui lançait en notes graves des provocations homicides. Lucie poussait sa plainte aiguë, Arthur modulait à l'écart des sons moyens et la basse-taille du ministre ronflait comme un orgue, tandis que les voix de femmes répétant ses paroles reprenaient en chœur délicieusement. Ils étaient tous sur la même ligne à gesticuler. Et la colère, la vengeance, la jalousie, la terreur, la miséricorde et la stupéfaction s'exhalaient à la fois de leurs bouches entr'ouvertes. L'amoureux outragé brandissait son épée nue, sa collerette de guipure se levait par saccades selon les mouvements de sa poitrine, et il allait de droite et de gauche à grands pas, faisant sonner contre les planches les éperons vermeils de ses bottes molles qui s'évasaient à la cheville. Il devait avoir, pensa-t-elle, un intarissable amour pour en déverser sur la foule à si larges effluves. Toutes ses velléités de dénigrement s'évanouissaient sous la poésie du rôle qui l'envahissait, et entraînée vers l'homme par l'illusion du personnage, elle tâcha de se figurer sa vie, cette vie retentissante, extraordinaire, splendide, et qu'elle aurait pu mener cependant si le hasard l'avait voulu. Il se serait connu, il se serait aimé. Avec lui, par tous les royaumes de l'Europe, elle aurait voyagé de capitale en capitale, partageant ses fatigues et son orgueil, ramassant les fleurs qu'on lui jetait, brodant elle-même ses costumes. Puis chaque soir, au fond d'une loge, derrière la grille à treillis d'or, elle eût recueilli, béante, les expansions de cette âme qui n'aurait chanté que pour elle seule. De la scène, tout en jouant, il l'aurait regardée. Mais une folie l'a saisie. Il la regardait, c'est sûr. Elle eut envie de courir dans ses bras pour se réfugier en sa force, comme dans l'incarnation de l'amour même, et de lui dire, de s'écrier « Enlève-moi, emmène-moi, partons, à toi, toutes mes ardeurs et tous mes rêves. » Le rideau se baissa. L'odeur du gaz se mêlait aux haleines. Le vent des éventails rendait l'atmosphère plus étouffante. Emma voulut sortir. La foule encombrait les corridors et elle retomba dans son fauteuil avec des palpitations qui la suffoquaient. Charles, ayant peur de la voir s'évanouir, courut à la buvette lui chercher un verre d'orgeat. Il eut grand-peine à regagner sa place car on lui heurtait les coudes à tous les pas à cause du verre qu'il tenait entre ses mains et même il en versa les trois quarts sur les épaules d'une Rouennaise en manches courtes qui, sentant le liquide froid lui couler dans les reins, jeta des cris de paon comme si on l'eût assassiné. Son mari, qui était un filateur, s'emporta contre le maladroit, et tandis qu'avec son mouchoir elle épongeait les taches sur sa belle robe de taffetas cerise, il murmurait d'un ton bourru les mots d'indemnité, de frais, de remboursement. Enfin, Charles arriva près de sa femme en lui disant, tout essoufflé, « J'ai cru, ma foi, que j'y resterais. Il y a un monde, un monde !» Il ajouta, « Devine un peu qui j'ai rencontré là-haut. Monsieur Léon. » « Léon ?» Lui-même, il va venir te présenter ses civilités. » Et comme il achevait ces mots, l'ancien clerc d'Yonville entra dans la loge. Il tendit sa main avec une sans-façon de gentilhomme, et Madame Bovary, machinalement, avança la sienne, sans doute obéissant à l'attraction d'une volonté plus forte. Elle ne l'avait pas senti depuis ce soir de printemps où il pleuvait sur les feuilles vertes quand ils se dirent adieu debout au bord de la fenêtre. Mais vite se rappelant à la convenance de la situation, elle secoua dans un effort cette torpeur de ses souvenirs et se mit à balbutier des phrases rapides. « Ah, bonjour, comment vous voilà ?»« Silence !» cria une voix du parterre, car le troisième acte commençait. « Vous êtes donc à Rouen ?»« Oui. Et depuis quand ?»« À la porte, à la porte !» On se tournait vers eux, ils se turent. Mais à partir de ce moment, elle n'écouta plus. Et le cœur des conviés, la scène d'Ashton et de son valet, le grand duo en ré majeur, tout passa pour elle dans l'éloignement, comme si les instruments fussent devenus moins sonores et les personnages plus reculés. Elle se rappelait les parties de cartes chez le pharmacien et la promenade chez la nourrice, les lectures sous la tonnelle, les tête-à-tête au coin du feu, tout ce pauvre amour si calme et si long, si discret, si tendre, et qu'elle avait oublié cependant. Pourquoi donc revenait-il? Quelle combinaison d'aventures le replaçait dans sa vie? Il se tenait derrière elle, s'appuyant de l'épaule contre la cloison, et de temps à autre, elle se sentait frissonner sous le souffle tiède de ses narines qui lui descendaient dans la chevelure. « Est-ce que cela vous amuse ?» dit-il en se penchant sur elle de si près que la pointe de sa moustache lui effleura la joue. Elle répondit nonchalamment « Oh mon Dieu, non, pas beaucoup !» Alors il fit la proposition de sortir du théâtre pour aller prendre des glaces quelque part. « Oh, pas encore ! Restons !» dit Bovary. « Elle a les cheveux dénoués, ça promet d'être tragique !» Mais la scène de la folie n'intéressait point Emma et le jeu de la chanteuse eût paru exagéré. « Elle crie trop fort !» dit-elle en se tournant vers Charles qui écoutait. « Oui, peut-être, un peu !» répliqua-t-il, indécis, entre la franchise de son plaisir et le respect qu'il portait aux opinions de sa femme. Puis Léon dit en soupirant « Fais une chaleur !»« Insupportable, c'est vrai » »« Es-tu gênée ?» demanda Bovary. « Oui, j'étouffe. Partons !» Monsieur Léon posa délicatement sur ses épaules son long châle de dentelle et ils allèrent tous les trois s'asseoir sur le port, en plein air, devant le vitrage d'un café. Il fut d'abord question de sa maladie, bien qu'Emma interrompît Charles de temps à autre, par crainte, disait-elle, d'ennuyer Monsieur Léon. Et celui-ci leur raconta qu'il venait à Rouen passer 2 ans dans une forte étude afin de se rompre aux affaires qui étaient différentes en Normandie de celles que l'on traitait à Paris. Puis il s'informa de Berthe, de la famille Homais, de la mère Lefrançois, et comme il n'avait en présence du mari plus rien à se dire, bientôt la conversation s'arrêta. Des gens qui sortaient du spectacle passèrent sur le trottoir tout fredonnant ou braillant à plein gosier. « Ah, bel ange, ma Lucie !» Alors Léon, pour faire le dilettante, se mit à parler musique. Il avait vu Tamburini, Rubini, Persiani, Grisi, et à côté d'eux, Lagardi, malgré ses grands éclats, ne valait rien. « Pourtant, » interrompit Charles, qui mordait à petits coups son sorbet au rhum, « on prétend qu'au dernier acte, il est admirable tout à fait. Je regrette d'être parti avant la fin, car ça commence à m'amuser. »« Au reste, » dit Leclerc, « il donnera bientôt une autre représentation. » Mais Charles répondit qu'il s'en allait dès le lendemain. « À moins, » ajouta-t-il en se tournant vers sa femme, « que tu veuilles rester seul, mon petit chat. » Et, changeant de manœuvre devant cette occasion inattendue qui s'offrait à son espoir, le jeune homme entama l'éloge de Lagardi dans le morceau final. C'était quelque chose de superbe, de sublime. Alors Charles insista. « Tu reviendrais dimanche. Voyons, décide-toi. Tu as tort. Si tu sens le moins du monde que cela te fait du bien. » Cependant, les tables alentour se dégarnissaient. Un garçon vint discrètement se poster près d'eux. Charles, qui comprit, tira sa bourse. Leclerc le retint par le bras et même n'oublia point de laisser en plus 2 pièces blanches qu'il fit sonner contre le marbre. « Je suis fâché, vraiment, » murmura Bovary, « de l'argent que vous. » L'autre eut un geste dédaigneux, plein de cordialité, et prenant son chapeau. « C'est convenu, n'est-ce pas, demain à 6 heures ?» Charles se récria encore une fois qu'il ne pouvait s'absenter plus longtemps, mais rien n'empêchait Emma. « C'est que, » balbutia-t-elle avec un singulier sourire, « je ne sais pas trop. »« Eh bien, tu réfléchiras, nous verrons, la nuit porte conseil. » Puis à Léon qui les accompagnait, « maintenant que vous voilà dans nos contrées, vous viendrez, j'espère, de temps à autre, nous demander à dîner. » Leclerc affirma qu'il n'y manquerait pas, ayant d'ailleurs besoin de se rendre à Yonville pour une affaire de son étude, et l'on se sépara devant le passage Saint-Herblanc au moment où 11h30 sonnait à la cathédrale.